C'était Chachamau par Christian Gaucher. Oui, ça fait drôle de dire ça. Génération Musette maintenant, et c'est Momo Maurice l'Archange. Si ça veut bien démarrer. Génération Musette, tu connais la maison, tu n'en fais qu'à ta tête, à coup d'accord. Java, mais tu aimes la romance et Marcella Zola. T'es branché laser et vidéo, on t'entend jouer avec Renault. Et même si les ricains n'aiment pas ça, t'as pas besoin de faire la loi. Du côté des abbesses, des princesses, et même un peu plus loin, mine de rien. Fais belle pour vous, belle pour la France, qui va écouter un peu ça. Tu connais la maison, tu n'en fais qu'à ta tête, à coup d'accordéon. T'as 20 ans et tu danses le rock et la java, mais tu aimes la romance et Marcella Zola. Comme de bien entendu tu te souviens, les refrains d'hier et de demain, tu vas vivre pour tes parents, les 6 jours quand ils avaient 20 ans. Et Yvette est toujours accrochée, mais quand le rap sera bien rappé, tu feras encore la fête, génération Musette, vas-y remets. On continue avec Momo, et cette fois-ci ce sera Vas-y Lucien, fais-nous danser. Et on continue à 16h passées de 36 minutes. On continue avec Espagna Corrida, un passe double, pour le plaisir personnel de Monique à Chevilly. Je pense qu'il y a une petite erreur de manipulation là. Ah ben oui, ça arrive ce jour-là. Au 02 38 43 48 00. Et j'ai oublié l'animateur, bien évidemment, c'était de la part de Monique pour l'animateur. Merci Monique. Et bon après-midi à vous. Thank you.

16h passé de 46 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. Mes prochains invités seront le 4 décembre, Jean-François Bernard, et le 7 décembre, c'est-à-dire le samedi suivant, Michel Vrobel. En principe, je dis bien en principe, c'est pas arrêté définitivement, mais je serai dès lundi, l'autre lundi, en 8 ans, 10 jours. Je devrais avoir Charles Cassonnet, Jacques Thauvin et Thierry Monico vers le 20 ou 21, je sais pas comment ça tombe, j'ai pas de compté, ce calendrier sous les yeux. 14, 7, 14, 21, ça va être un samedi. Voilà. Décembre, bien entendu. En attendant d'autres, que j'attends, dont j'attends les jours et les heures. Les heures, c'est pas de problème, c'est 16h, 18h, chaque samedi. Et c'est Maria de Barcelone qui nous accompagne avec Michel Pruot. Dans un bar, Maria de Barcelone, tu as pris mon cœur, ma raison en une danse. Maria de Barcelone, depuis ce jour, je me languis de ton absence. Je ne pense plus qu'à toi, j'en perds la pitié et la joie. Maria de Barcelone, je garde espoir qu'un jour tu seras dans mes bras. Je garde l'espoir qu'un jour tu seras dans mes bras. Et on continue, bien entendu, en musique avec Michel Pruot. Ça, c'est de la valse de la part de Mamie Geneviève pour Simone et pour l'animateur. Merci. Et on continue avec Michel Pruot. Et ce sera la fille de Dolores, pour remercier toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, et en particulier Monique de Chevilly. Maintenant, un medley de Java par André Lope, célèbre accordéoniste belge. We'll be right back. Je me voyais déjà avec Tony Murena. Changer un peu, on va écouter une valse viennoise, la belle viennoise, tout simplement, interprétée ici par Franck Salé. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. tout s'arrête, tout recommence, tout s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Eh bien, on va regarder ça tout de suite. Oh, il y a un petit problème chez Franck Salé. Et on va écouter maintenant André Lhope. Non, même pas André Lhope, là je suis perdu. Hein. Granada par Gilbert Roussel. Et on passe quelques minutes en compagnie d'André Lope, l'accordéoniste belge. Ah, il paraît que je me suis trompé tout à l'heure dans les dates, on m'a dit ça. C'est une charmante fille qui vient de me signaler ça. C'est bien le 7 que je reçois Jean-François Bernard et le 14 Michel Vorbel. Et peut-être le 21, j'ai dit peut-être le 21, les Top Musette, c'est-à-dire Jacques Tourin et Charles Cassonnet, en compagnie de Thierry Monico et Jacqueline Sanchez. C'est au tour de Franck Chalet. Vive la Saint-Hubert. We'll be right back. On continue l'accordéon jusqu'à 17h. À 17h, vous retrouverez l'équipe des sports de Radio Arc-en-Ciel en langue portugaise. Non pas Radio Arc-en-Ciel. 18h. Mais j'ai 17h devant les yeux. 16h26, c'est mort. Ah, ben, il n'est pas à jour. Il y a un problème. Merci, José. T'es charmant. T'es gentil. C'est tout. Non, ben, ça s'arrêtera là. T'inquiète pas. Sur des succès de Patrick Bouteau. Ah, j'ai posé la question à José. Tiens. Qui est Patrick Bouteau? José, qui est Patrick Bouteau? Patrick Sébastien. C'est son vrai nom, Patrick Bouteau. Monsieur Jean-Marc Torchi, que voici et que voilà. Petite pause dans les succès de Patrick Sébastien. On va écouter Le Pont des Larmes, paroles de Jean-René Mativel, musique de Charles Cassonnet et interprétée par Thierry Monico aujourd'hui, en 2019. Je crois que c'est sa dernière composition, sa dernière interprétation, pardon. Dans quelques petits. que les pensées vous font la cour. On s'attendrit, on pose les armes auprès du coin des larmes. Quand la vie est mélodie, que les mots jouent leur symphonie, là rien nous désarme auprès du coin des larmes. Le soleil s'est couché sur le port et la mer s'est tapillée de brume. J'entendais dans le soir le murmure d'une brume dans le cœur de l'amour. Et les mots s'y font la cour. On attendit au beau regard. Merci Thierry pour cet hommage, ce souvenir. Je vous raconterai l'histoire un jour. Moi, j'aime le Portugal, c'est pour nos amis portugais, c'est toujours Thierry Monico. Non, alors pas toujours le pont des larmes, décidément, j'ai pas de chance. Moi, j'aime le Portugal. Ça va venir, vous inquiétez pas. Voilà. Paroles de Jacqueline Sanchez et musique de Thierry Monico et Dominique Dutard. Les musiciens portos jouent sur leurs guitares, les grands airs de Fado, et sur la colline, les maisons d'Alsama sont de toutes les couleurs, et ça étonne chaque fois. Moi j'aime le Portugal, c'est un pays joyeux, du nord au sud, de Lisbonne jusqu'à Funchal. Les sourires sont radieux et l'ambiance conviviale, qu'importe l'endroit, les gens sont vraiment chaleureux. On retrouve maintenant Jean-Marc Torchi. Vacances Passo par Thierry Monico. Qui, je le rappelle, en principe, nous rendra visite vers le 21 décembre. Je rappelle donc, le 7 décembre, je reçois Jean-François Bernard et le 14, Michel Warbal, un ancien qui revient nous voir. La FM en couleur. On va continuer, il nous reste encore quelques minutes. On va continuer en compagnie de Tony Murena, peut-être. Je ne sais pas, je crois. Je suis à toi. Je parle en même temps. Non, c'est vrai, on fait ça en habitat. On va continuer avec Tony Murena. Pas ça sur la première la mousse. Tony Murena. Dans quelques petites secondes, le temps de caler. Mon amant de Saint-Jean, Tony Murena. Thank you. 17h passé de 56 minutes à la pendule de Radio Arc-en-Ciel. On se quitte jusqu'à demain 12h30, 12h30, 15h. C'est l'accordéon de nos régions. Et lundi, n'oubliez pas Cocktail Coloré, 14h, 16h. Je rappelle, le 7 décembre, je reçois Jean-François Bernard. Et le 14 décembre, je reçois Michel Vorbel, un ancien qui nous revient. Voilà. Et le 21, je crois avoir les Top Musette avec Charles Cassonnet, Jacques Tauvin, Thierry Monico et Jacqueline Sanchez. Voilà. Je laisse la place donc aux émissions des sports en langue portugaise avec Bruno, Algemiro et le plus petit de la bande, celui qui pèse le moins lourd, c'est notre ami José de Trénoux, s'il vous plaît. C'est un noble. Bonne soirée à tous et à toutes, et puis à demain. Messieurs, vous êtes prêts, là? Non, ben, Michel, bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Michel, es-tu prêt? Je te sens un peu distrait, non? Comment? Je dis, je te sens un peu distrait. Dis donc, non? Tu te permets des fantaisies envers ma triste personne? Non, non, ben, écoute, c'était... Bonjour, monsieur José. Bonjour, Michel. Tu vas bien? Et toi? Moi, impeccable. Oh, enfin, à part le genou, ça va. Le reste, c'est bien. Hein? Il faut mettre une en inox. Une rotule en inox? Ah, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ça commence bien, quoi. Algemiro, je te salue. Salut, Michel. Comment vas-tu? Ben, écoute, je répète, à part le genou droit. Le genou droit fonctionne. Le genou du milieu aussi. Bruno, je te dis bonjour. Bonjour Michel. Et le genou droit, je pense que c'est vrai. Par contre, le genou de mieux, je ne crois pas qu'il marche encore. Ouais, ben je ne dirais rien. Je ne dirais rien, hein, c'est pas. Hein, bon. Ça reste entre nous, voilà. Oui. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Blonde. Il y a longtemps qu'on n'a pas attendu, depuis le mois de juin, je crois. Parce qu'il y a tout le temps quelque chose où José n'est pas là, ou machin, ou truc, où il y a les vacances, où il y a. Etc. Après de laborieuses études de droit, une blonde finit par ouvrir son bureau d'avocat. Ça peut te servir, José. Par chance, dès le premier jour, quelqu'un se présente à son cabinet. Pour impressionner ce client potentiel, elle saisit son téléphone et lui demande d'attendre un instant. Elle reste ainsi une demi-heure, faisant semblant d'être en communication. « Oui, bien sûr, je ne laisserai pas tomber. Cette affaire me semble d'ailleurs simple. En effet, je suis persuadé que lors du prochain jugement, le juge nous donnera raison et que nous gagnerons. » Elle finit par accrocher, se tourne vers le nouveau venu. « Eh bien, jeune homme, que puis-je faire pour vous ?»« Je viens juste vous installer votre ligne téléphonique. » D'accord. Voilà, voilà comment on va faire l'impression. Hein, José de traîneau. C'était pas une blonde de traîneau, là. Ah, ça va. Tu n'as pas oublié. Tu n'as pas oublié ta leçon. Ah non, mais les blondes, de voir. Hein. Une blonde trouve un pingouin dans la rue. Non, c'est pas José. Il l'amène au commissariat. Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse, demande-t-elle au planton de service. Ben, emmenez-le au zoo. Nous avons autre chose à faire que de nous occuper de votre pingouin. Quelques jours plus tard, il recroise la blonde, toujours en compagnie du pingouin. Mais je vous avais dit de l'emmener au zoo. C'est ce que j'ai fait, très content. Aujourd'hui, nous allons au cinéma. Bon, d'accord. T'es en forme, toi. Bon. Hein? Hein, non, mais je vois ça. Oui, bah écoute, c'est comme ça. Hein. Alors, vous allez au 34e anniversaire de Radio Arc-en-Ciel? Oui. Ouais. Tout à fait. Ah, pourquoi pas. Donc, on va faire juste un petit heure de programme, parce qu'après... Ouais. Ouais. Vous allez voir Maria de Lisbonne? Oui, c'est ça. Traduction. Pas de Lisbonne, ouais. Lisbonne. C'est moi qui traduis, en français. Non. Elle est de Lisbonne. Elle n'est pas de Lisbonne. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Si, si. Elle est de Lisbonne. Elle est de Lisbonne. Maria Lisbonne. C'est pas Maria de Lisbonne, bien sûr. Mais c'est pas son vrai nom. Maria, oui. Lisbonne, non. Ah, bah oui. Ouais. C'est comme José, c'est pareil. C'est pas son. Si, si. C'est ton nom d'artiste. C'est ça. D'accord. Une remarque, c'est José, Joseph, Youssef. J'en ai connu en 1954 en Algérie. C'est pas les mêmes. Bon, Michel. Merci. On va commencer parce qu'on va être en retard. Bonne émission, et puis à la semaine prochaine. Merci Michel. Au revoir, bon week-end. Allez, bon dimanche. Merci. Bon programme pour demain.